rassemblés, sans flancher, enjambés. Le chantier des pensées qui semblait emmêlé. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les. Et l'angoisse tenez-la bien, je vais chanter tant comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche, parce que je rêve quand je marche. Parce que je rêve quand je marche. Parce que je rêve quand je marche. Ben Mazué, quand je marche en live du grand studio d'RTL, je retrouve enfin mon invité Aurélien. Est-ce que ça va ? Ça va toujours. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors on s'était déjà rencontrés il y a quelques semaines lors de la fête de l'Avent, organisée par la ville de Saint-Étienne-lès-Remiremont. D'ailleurs, je les embrasse et les remercie pour cet intitulé pas du tout difficile à prononcer. Gros bisous à vous tous. Alors, on parlait des chats. Est-ce que tu avais fait quelques photos ? Bien sûr. Oui, à chaque événement, voilà, c'est devenu un peu une routine, toujours l'appareil autour du cou. Voilà, on va dire quasiment tous les jours, une sortie avec l'appareil, et même quand je me promène, toujours avoir un appareil photo à proximité. Si tu devais te présenter en quelques mots, tu le ferais comment ? Eh ben, on va faire court. Aurélien, 23 ans, photographe animalier, paysage et puis un peu shooting. Ouais. Originaire des Vosges. Et puis voilà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Alors tu viens de Pouxeux, il me semble, c'est ça ? Tu m'as dit ça tout à l'heure ? C'est ça. Donc pas très loin d'ici. Nous, on aime bien les gens qui font des choses localement, c'est super. Quand as-tu découvert l'univers de la photographie ? Alors j'ai commencé en 2019, fin 2019. Et c'est surtout le premier confinement en 2020 qui m'a lancé. D'accord. Puisqu'il n'y avait que ça à faire d'aller dehors, donc... Bah, t'as eu de la chance, parce que tout le monde n'a pas pu aller dehors à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, bon, voilà, il y a eu du positif dans cette histoire-là, donc toi, t'as décidé de te lancer là-dedans. Ça te trottait déjà avant, ou ça t'est vraiment tombé dessus un petit peu comme ça ? J'ai toujours bien aimé la nature, je faisais un peu de vidéos animalières avant, donc voilà, c'est un peu la suite logique. D'accord, ok. Est-ce que, voilà, tu as des parents qui prennent souvent des photos ? Est-ce que t'as une famille un petit peu créative comme ça ? Oui, on a un côté artistique dans la famille. Puis un peu photographe chez certains. Ok, super. Alors quel est ton parcours avant de devenir photographe ? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie ? Eh ben, j'ai fait des études parce qu'il en faut un peu. Oui. Du coup, dans la communication, le marketing, et je me suis lancé, voilà, en tant que photographe indépendant, tout récemment. D'accord. Est-ce que ça t'a servi les études que tu as fait pour ton activité d'aujourd'hui ? Ouais, sur la partie communication et relationnel, ça aide. Bah ouais, carrément. Alors, t'as complètement laissé ça de côté, tu veux vraiment te focaliser sur dans la photo ? Je fais les deux, on va dire, c'est plutôt un complément d'activité la photo. Oui, oui, c'est vrai. Mais je peux avoir un autre métier à côté. D'accord, ok. Alors, quelle formation as-tu effectuée dans la photo et quelles ont été les étapes importantes, si ça a été le cas d'ailleurs ? Alors, pour la photo animalière, je suis un peu un autodidacte, donc il n'y a pas de formation. C'est surtout une formation, on va dire, terrain qu'on fait tout seul. Ou avec des gens qui connaissent un peu, qui nous emmènent sous le terrain à la recherche des traces, indices. Et sinon, après, pour tout ce qui est réglage, c'est soit des vidéos sur Internet ou on teste, on essaie des réglages et puis à force, ça paye. Il faut être patient, quoi. Il faut être patient, ouais. Donc, c'est quoi les grandes étapes importantes dans ton apprentissage autodidacte ? Il faut déjà apprendre les réglages ? Alors ça va être déjà dans un premier temps de découvrir un peu le matériel, de tester chez soi. Et après, si on prend la photo animalière, ça va être aussi de travailler sur le terrain, d'apprendre à connaître les espèces, les animaux, leurs habitudes. C'est beaucoup de l'observation dans les jumelles avant de faire une photo. Il y a des heures d'observation, de savoir comment on va se placer. D'accord. Et pour le paysage, c'est aussi savoir où on va aller, les points de vue. Et après, c'est en fonction de la météo, prévoir que la lumière va être comme ça à telle heure. Super. Ok. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a appris quelques petites choses ? Eh bien, il y a eu quelques copains qui m'ont un peu emmené sur le terrain aussi. Et aujourd'hui, on travaille un peu en complément, donc, ouais. Que je remercie. Ah ben voilà. Et comment tu as choisi ton matériel, du coup ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de sortes différentes. Alors le matériel, j'ai choisi un peu, j'ai une marque, une affinité avec une marque puisque j'ai eu un premier boîtier de cette marque. D'accord. Qui m'a été offert par mon père. Ah. Et donc du coup après, j'ai continué dans la marque là. Et après, on est obligé de fonctionner toujours avec la marque là. Donc, d'accord. Ok. Donc en fait, c'est ton papa qui t'a un peu mis le pied à l'étrier. Voilà, on va dire. Ouais. Il m'a donné un peu le matériel et puis un peu les bases et puis après. On se développe. Super. Est-ce qu'il aime ce que tu fais? Oui. Il en est fier. Bah oui. Non, mais c'est vraiment très, très beau. Hein. C'est vrai que je vous invite à aller sur le site internet d'Aurélien, qui est d'ailleurs www.aurelienvillemainphotographe.com. Ben voilà. Impeccable. Tu suis. C'est parfait. Est-ce que tu te souviens de ta première photo? Ma première photo, je m'en souviens, oui. C'était un chevreuil. Dans le village de Pouxeux, je m'en souviens que j'avais approché, j'ai fait ma première photo voilà, sur un chevreuil. Waouh, génial! Donc t'es un passionné de nature avant tout, j'ai l'impression quand même. Tout à fait, ouais. Ok. Est-ce que tu fais plusieurs sortes de photos, hein? Il me semble, tu l'as dit juste avant, animalière, paysage et même quelques shootings parfois. C'est quoi ce que tu préfères photographier? Alors, je préfère, en photo animalière, c'est le cerf, qui est mon animal favori. On a la chance d'avoir des belles populations ici, dans le massif vosgien. Donc, c'est d'ailleurs ton logo? C'est mon logo, ouais. C'est okay. mon animal totem. Hein. D'accord. Et sinon, après, j'aime beaucoup aussi, je fais beaucoup de shooting dans tout ce qui est le milieu de la restauration et de la cuisine. Donc, c'est intéressant. Pourquoi alors? Bon, parce que je suis un bon vivant, donc j'aime bien prendre en photo des belles choses. T'as lié l'utile et l'agréable, quoi. C'est ça. Tu manges et tu photographies en même voilà. temps. Génial. Et la sorte de photo que tu préfères, c'est plutôt animalière, paysage ou shooting de personnes? Ça va être l'animalier pour le frisson qu'on a de voir l'animal, on l'approche ou qui vient à nous en affût. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Super. Est-ce que tu peux m'expliquer ta manière de faire une photo, par exemple animalière? Tu disais les préparatifs en amont, c'est voilà, des heures aux jumelles, savoir où tu vas. Il y a quoi d'autre à savoir quand on fait des photos comme ça? Alors le premier paramètre, bon, c'est déjà la connaissance de l'animal, hein, savoir repérer ses traces. Une fois que le repérage est fait, c'est savoir le placement, trouver un endroit où on va être caché. Donc, j'utilise beaucoup des techniques de camouflage, des choses comme ça. Et puis je fais des affûts. Donc des affûts, ça va être des endroits où je vais m'installer, être caché. D'accord. Et après, le point le plus important, c'est l'odeur. C'est-à-dire que les animaux ont un odorat qui est très développé. Donc il faut aller dans le sens contraire du vent quand on va approcher un animal. Donc il faut travailler énormément avec ça. D'accord, mais comment tu sais tout ça? Eh ben, le vent, ça, on regarde avant une sortie, on regarde dans quel sens va le vent pour se placer. Ok, mais qui t'a appris ces choses-là? Eh ben, c'est sur le terrain à force, et puis on se rend compte que tiens, ça marche mieux d'une façon là, et pourquoi ça n'a pas marché de l'autre. Et voilà, c'est vraiment un apprentissage terrain qui se fait, on se développe tout seul après. Voilà. D'accord. Est-ce que tu te mets dans une ambiance particulière quand tu fais une photo? C'est presque des fois de la méditation, de se couper de tout, donc pas de téléphone, et puis être à l'écoute vraiment, le moindre bruit, voilà, et puis ne pas bouger. C'est génial, c'est une vraie philosophie de vie en fait. C'est une philosophie, ouais. Mais devenez tous photographes paysagistes animaliers, moi je suis pour. J'imagine que les conditions météo jouent beaucoup aussi. C'est quoi par exemple ta saison préférée pour faire des photos de paysage? Alors le paysage, j'aime beaucoup les photos hivernales, hein, ouais. Avec les ambiances, brume, neige, c'est très sympa, il y a vraiment des belles ambiances sur nos belles montagnes vosgiennes. Super. À quoi tu penses quand tu fais une photo et que tu attends des heures que l'animal se présente devant ton objectif? Enfin, je veux dire, il faut vraiment aimer ça plus que tout pour pouvoir être aussi patient. On imagine la rencontre. Des fois, y a des échecs. Hein. Combien de fois on revient sans photo? Mais on imagine que l'animal va passer là avec telle lumière. Et puis des fois, ça marche. Et puis des fois, ça marche pas. Mais bon, on n'abandonne jamais. On persévère. Et ça, c'est la force de la photo, du photographe animalier. C'est quoi ta photo préférée? C'est laquelle? Eh ben, ma photo préférée. Le cerf, tu m'avais dit tout à l'heure. Le cerf, mais y a une photo que j'affectionne hors des cervidés. C'est une photo d'un bouquetin que j'ai fait dans les Alpes. Hein, d'accord. Voilà, qui sert sur une crête. C'est une de mes photos préférées. Waouh, génial. Donc, du coup, tu restes pas dans les Vosges? Tu vas photographier ailleurs? Alors, je reste, on va dire, là, principalement dans les Vosges, mais je me développe un peu, voilà, dans les autres massifs montagneux. Ou voilà, un peu. L'objectif, c'est d'aller un peu à l'étranger par la suite. Génial. T'en profites pour découvrir d'autres paysages en même temps. Bien sûr. Super. Ça doit être moins facile peut-être à organiser quand tu ne connais pas encore forcément le terrain, ou alors faut rester quelques jours sur place. Faut rester quelques jours. Faut discuter avec les locaux, et puis après, ben, c'est du repérage aussi sur Internet, parce qu'Internet, oui, c'est une mine d'informations pour savoir où sont les animaux. On arrive à trouver plein de choses. Quel outil incroyable. C'est quoi l'animal que tu voudrais absolument photographier si tout était possible? Si tout était possible, ça serait le grand tétra qui malheureusement est en perte folle dans les Vosges. Il ne reste même pas 10 individus, donc j'aimerais bien le voir et le photographier. Le grand tétra, ouais. C'est quoi comme animal? C'est un oiseau, c'est un grand coq qui vit dans les vieilles forêts vosgiennes et qui aujourd'hui, malheureusement, est menacé de par la disparition de son habitat et aussi le changement climatique. D'accord. Est-ce que tu es sensible, forcément, question rhétorique, mais bon, j'imagine que oui, tu es sensible à l'environnement et à la cause animale? Alors, je suis sensible, mais je garde un peu mes distances par rapport à des gens qui vont avoir un engagement trop fort. Oui. Moi, je suis juste, voilà, je photographie, je transmets une émotion, mais je ne veux pas me mettre dans des associations de protection, oui, des animaux et des choses comme ça, parce que je trouve que c'est trop dans l'extrême et qu'aujourd'hui, il faut arriver à concilier tout ce monde, donc le monde des photographes, le monde des chasseurs et puis le monde des personnes qui défendent l'environnement. Voilà. D'accord. Comment on trouve cet équilibre? Eh ben, on trouve cet équilibre, on va dire, en discutant, en transmettant, voilà, notre vision des choses. Avec les chasseurs, ça va être de discuter avec eux, de dire, bah voilà, moi je suis un peu sur le terrain, on échange des informations et tout se passe très bien, il n'y a jamais de soucis. Parce que j'imagine qu'en temps de chasse, ça doit être plus compliqué pour photographier. C'est un peu plus compliqué, mais bon, après, on arrive des fois à voir des animaux quand même. Hein. Quand on sait les jours de chasse, bah, on évite, oui, d'aller à l'endroit où ils sont. Et puis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place par les chasseurs aussi pour communiquer, dire ils chassent à tel endroit, donc oui, c'est utile. Oui, oui, oui. Est-ce que tu aimerais, par exemple, prendre en photo des espèces en voie de disparition comme tu aimerais le faire avec le grand tétra pour d'autres animaux? Bien sûr, il y a aussi un animal que j'affectionne tout particulièrement, c'est le lynx, que malheureusement j'ai juste la chance de voir en photo. Oui, mais c'est incroyable de se dire qu'on peut photographier un animal qui peut-être disparaîtra de la terre et que l'on ne verra plus jamais avec nos yeux, enfin en tout cas en vrai. Bien sûr, bon après il y aura toujours quelques espèces et populations qui vont résister dans d'autres pays, mais en France, voilà, se dire que c'est des animaux qui risquent de disparaître, voilà, c'est vrai que ça rajoute quelque chose à l'image. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais aussi quelques portraits? Je fais des portraits, ouais, un peu, ouais. J'imagine qu'il y a un feeling aussi à mettre en place avec son modèle, c'est pas pareil du coup, pas du tout la même ambiance que le paysage ou l'animal. Là, il y a quelqu'un qui est d'accord pour se faire photographier en face et qui attend des choses peut-être. Comment ça se passe? Est-ce que tu en as déjà fait beaucoup? J'en ai fait quelques-uns, notamment aussi dans le cadre de mariage, des choses comme ça. Oui. Après, c'est vraiment du feeling et puis préparer la photo, leur dire bah, on va essayer de faire comme ça et puis voilà, d'échanger. Le dialogue est important pour les portraits, de savoir comment on voit la photo et puis après bah, de voir que si les gens sont bien, de ne pas les stresser, ça, c'est primordial. Oui, mettre à l'aise, ça doit s'apprendre quand même. Hein. Ça s'apprend, oui. Hein, voilà. Qu'est-ce qui te plaît tellement dans cet univers de la photo? Comment tu décrirais ça, cet amour que tu as pour la photographie? Ah, c'est le fait de transmettre une émotion, de voir quelque chose et puis après de pouvoir le partager. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et je trouve que c'est exceptionnel quand on a une émotion, qu'on voit quelque chose qui nous plaît, par exemple Super Mère de Nuages ou quelque chose comme ça, de faire une photo, d'immortaliser l'instant, de la transmettre après, ça c'est génial. Oui, oui, oui, c'est vrai. Tu as eu du monde un petit peu au forum de l'avant. J'ai eu un peu de monde, ouais, et c'est ma deuxième expo. Donc, ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Ça permet aussi de me faire connaître, hein, puisque je suis toujours une photographe, donc ça me permet, voilà, de se faire connaître et puis de se développer un peu. En tout cas, c'était très très beau ce que tu avais exposé. Hein. Eh ben, merci à toi. Bah, c'est très sincère. Est-ce que tu avais déjà travaillé dans un domaine artistique avant ça? Non, je n'ai jamais travaillé dans un domaine artistique, mais j'ai toujours eu un peu ce côté voilà, artistique, que ce soit dans l'écriture un peu avant, et puis là dans la photo. D'accord, et ça vient de la famille ça? Ça vient de la famille, ouais. Qu'est-ce qu'ils font artistiquement? De la peinture, des fois un peu d'écriture. Ah oui, d'accord. Eh ben on les embrasse, voilà. Allez, on va se lancer dans les prochains disques chouchou avant de continuer cette émission ensemble. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu aujourd'hui autour de cette table dans les studios de Radio Guémozo, hein, 27 décembre. Alors, tu as choisi, je t'ai demandé de choisir deux sons, alors on va les passer petit à petit. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le son que tu nous as choisi de Caroline Shaw. J'espère que je le prononce bien. C'est bien ça. C'est incroyable. C'est incroyable et malheureusement pas encore connu. Eh bien ça va l'être parce que ça passe dans le diffuseur dès aujourd'hui. Hein. J'ai tellement aimé que j'ai balancé tout son album. Vous pourrez donc entendre cet artiste très prochainement sur les ondes de Radio Guémozo. Pourquoi tu as choisi cet artiste et ce son en particulier ? C'est ce côté artistique. J'aime bien trouver aussi, je suis un passionné de musique, donc j'aime bien trouver des gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Oui. Et donc ça, je trouve que c'est une musique qui va bien quand je pars en affût le matin en voiture. Oui. Je mets bien dans l'ambiance là, d'être détendu, d'être ailleurs, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Ah, t'es un passionné de musique ? Aussi. C'est intéressant, on va en parler juste après alors. Le deuxième son que tu entendras, ce sera Falling Down de Théos. Ça, c'est un son que j'ai choisi pour cette émission d'aujourd'hui. Alors c'est un petit peu particulier aussi, mais peut-être un peu plus rythmé. En tout cas, il y a une atmosphère parce que moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup les sons venus de nulle part, les choses que l'on n'écoute pas forcément tous les jours et surtout pas dans d'autres radios, les sons trop commerciaux, voilà, c'est bon, il en faut pour tout le monde, mais c'est voilà, c'est pas trop mon truc à moi, donc j'aime bien les sons qui mettent un petit peu dans une ambiance. Et on va écouter ça tout de suite et on se retrouve juste après. On commence par ton son à toi et on suivra avec le mien. Mm-hmm. sur Radio Guémozo aujourd'hui avec Aurélien Villemin, photographe de talent. J'ai envie de le dire parce que c'est vraiment très beau ce que tu fais. J'ai vraiment adoré. Moi, je suis aussi une amoureuse des paysages et forcément, j'ai été très conquise par l'ambiance que tu mets dans tes photos. D'ailleurs, dans l'univers de la photo, il y a toute la phase post-traitement quand même qu'on ne doit pas oublier. Est-ce que tu utilises un logiciel en particulier pour tout ça ? Alors, pour répondre à ta question, j'ai fait des photos animalières qui sont sans retouche. Je ne retouche pas. C'est pas vrai. L'objectif, c'est de vraiment retranscrire l'émotion que j'ai eue. C'est pas le tout de dire, il manquerait une petite lumière dans le ciel ou tout ça. Je fais des retouches animalières sur Lightroom, uniquement pour les shootings. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ça veut dire que toutes les photos qu'on voit de paysages ou d'animaux, c'est sans retouche. C'est sans retouche, ouais. Waouh, je suis encore plus subjuguée alors du coup. J'imagine que tu essayes de capturer une émotion à travers tes photos, à travers l'image. Comment ça se passe ça ? Est-ce qu'il y a un message dans ces photos-là justement ? Le message, c'est de montrer un peu qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, la nature est encore là, les animaux sont là, et c'est de montrer un peu l'importance des animaux, de voir ce qu'il y a, et puis les scènes qu'on peut observer, il y a des moments uniques qu'on peut observer. Oui, alors tu as commencé la photo il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu as déjà vu des changements au niveau environnement, animaux ? Non, pas énormément de changements, si ce n'est un peu le problème qu'on a dans les Vosges sur le scolyte et oui, la forêt qu'on coupe parce que malheureusement, c'en est fini pour les beaux sapins vosgiens. Ah oui, arrête, nous plombe pas. non, t'as raison de le dire, c'est important. Est-ce que tu pourrais par exemple aller dans une forêt, prendre un endroit en photo et y retourner quelques années plus tard et le refaire ? Bien sûr, ça m'arrive même de retourner au même endroit où j'ai fait une super photo très régulièrement. C'est quoi ton endroit préféré ? Ah, il y a des petits lieux secrets qu'on dira pas. D'accord. Au moins un. Et au moins un, on va dire. À peu près, tu vois. J'aime beaucoup aller sur le Chèvre Roche pour le point de vue que ça offre. Et puis les beaux levers de soleil qu'on peut avoir. Ah oui. Le Honeck, tout ça, tu vas. J'y vais, ouais. Je me fais une sortie chez moi dans l'année, on va dire. Ça me permet un peu de retravailler à ces bases de la photo et puis de faire des belles ambiances. Oui. Est-ce qu'il faut être un petit peu randonneur aussi pour être photographe animalier ? Il faut être randonneur régulièrement. c'est un peu sportif des fois. On parlait du brame du cerf en off juste avant, là. Ça t'arrive, d'aller à certains moments fatidiques pour prendre une photo justement comme celle-ci ? Bien sûr, il y a deux grosses périodes pour moi sur la photo. Ça va être en juillet, le rut du chevreuil. Ah oui ? Et en septembre-octobre, ça va être le brame du cerf. C'est vraiment deux gros moments où là, je passe beaucoup d'heures sur le terrain parce que c'est vraiment deux animaux que j'adore et c'est super, super impressionnant à voir. Alors en fait, il se passe quoi ? C'est des rencontres entre animaux à ce moment-là ? Et pour ce qui est du rut du chevreuil qui est un peu moins connu, oui, ça va être surtout l'occasion de voir des combats entre brocards, oui, donc les chevreuils mâles, et aussi des moments où il y a un peu des chasses pour trouver des chevrettes, des brocards qui courent après des chevrettes, donc ça c'est sympa à voir. Ça doit être rigolo. Ouais. Et puis le brame du cerf, c'est pour l'ambiance, parce que c'est quelque chose, moi j'adore, avant d'aller bosser, moi je jouais au brame du cerf, c'est tellement puissant que c'est ressourçant, on va dire. Ah oui, incroyable. Il y a un côté spirituel là-dedans quand même. Un petit peu, ouais. Il y a de l'énergie dans la nature, il faut la prendre. C'est bien, j'entends des belles choses aujourd'hui. Tu captes le prana quand tu vas en forêt ? On en reparlera plus tard. Est-ce que ça t'arrive de faire des photos en noir et blanc ? Alors, des photos en noir et blanc, j'en ai déjà fait, mais presque involontairement, c'est quand il y a vraiment une forte brume et que les animaux sortent tout près. Et ça fait du noir et blanc tellement il y a de la brume. Ah oui, d'accord, ok. Le shooting le plus mémorable pour toi, pour le moment ? Le shooting en photo animalière ou photo... Peu importe. En photo animalière, j'ai eu une grosse session à un moment, c'est cette année, avec un combat de brocards, vraiment très impressionnant. J'avais emmené un ami qui n'avait jamais vu ça, et moi non plus d'ailleurs, et c'était super impressionnant, et c'était un souvenir vraiment mémorable. Les photos n'étaient pas très exploitables, mais vraiment un super moment. J'imagine que ça amène plein de connaissances, en plus du coup, d'être sur le terrain aussi longtemps. Bien sûr, ouais, des connaissances, que ce soit sur les traces, les habitudes des animaux. Il y a même certains animaux, à certaines périodes, on sait prévoir à quelle heure ils vont passer. Incroyable. C'est quoi ta plus longue session sur le terrain ? En affût, ça va être à peu près 4-5 heures. Je ne suis pas un fan des très longs affûts. 4-5 heures, c'est quand même pas mal. Et sinon, bah, je pars souvent à la journée sur le terrain. D'accord. Un peu me promener dans le bois, faire vraiment une journée complète, voire même un week-end complet. Waouh. Mais quand t'es planqué, tu manges pas, tu fais rien, quoi. Discrètement. Moi, j'ai un peu la bougeotte, mais j'essaie de rester le plus zen possible. Des fois, c'est pas facile. Et t'écoutes le son que tu nous as mis juste avant, c'est ça, pendant ce temps? Avant de partir. Pour t'apaiser. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte de te mettre dans cette ambiance-là, de faire des photos et tout ce qui va avec, parce qu'on se rend bien compte que c'est pas juste un moment précis où t'appuies, c'est vraiment toute une atmosphère particulière. Est-ce que tu dirais que ça amène un plus en toi? Ouais, je pense que ça amène une vision, une évasion surtout par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui. C'est vraiment s'évader et puis couper du monde un peu de toute l'agitation, on va dire, du monde qu'on peut connaître, le monde professionnel. Et c'est vraiment, on voudrait en faire plus, bon, on peut pas, voilà, avec toutes les contraintes qu'on a, mais c'est vraiment une évasion, on va dire, par rapport à tout ce qui nous arrive en ce moment. Ça t'amène un peu de sérénité? Ouais, beaucoup même. Ah, c'est bien. Est-ce qu'un jour tu penses en faire ton métier? Ça dépendra aussi peut-être de la suite que ça va prendre. Bien sûr, l'objectif, ça serait voilà, d'en vivre, hein, ça c'est sûr. Ça serait voire même déjà faire un gros complément, on va dire, d'activité, ça c'est déjà un premier objectif. Oui. Ouais. Est-ce que tu as vu une évolution depuis le début, quand tu as commencé? Est-ce qu'il voilà, y a des choses qui ont déjà évolué en si peu de temps? Bien sûr, ouais, sur la qualité de mes photos, hein, que ce soit au niveau de l'investissement matériel, oui, et l'approche, la préparation. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent venir avec moi, donc ça montre que c'est bien. Chouette, c'est chouette. Qu'est-ce que tu penses des photos prises avec le téléphone portable? Je pense que c'est un bon outil pour immortaliser, mais les gens qui me disent ouais, ça fait des photos aussi belles que ton réflexe, non. Parce que en termes de tirage, c'est sûr que on voit tout de suite la différence. Pour une petite photo, voilà, pour immortaliser des instants, je trouve que c'est top, parce que les gens sont super contents de me montrer des animaux qu'ils ont vus et de voir l'émotion. Même si une photo n'est pas belle pour une impression, je suis content de voir les gens et l'émotion qu'ils ont eue de faire une photo d'un, oui, d'un bel animal qui passe ou d'un beau paysage. Ok, d'accord. C'est quoi tes techniques à toi de photo? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Alors, en photo animalière, il y a plusieurs techniques. Donc, il y a la technique dite de l'affût. Donc, l'affût, c'est ce que je disais auparavant, c'est d'attendre l'animal en se mettant à un lieu précis qu'on aura auparavant repéré. Et il y a la technique de l'approche. Donc, c'est une technique qui peut potentiellement plus déranger les animaux, c'est-à-dire d'aller à la rencontre, mais qui nécessite là aussi toute une tenue de camouflage. Hein. Ça fait un peu un buisson géant quand on se promène avec ça. Ça doit être génial. C'est toi qui devrais être photographié à ce moment-là. C'est ça. Ouais. Il y a des fois des rencontres avec des gens qui nous croisent bien comme ça, qui ont presque peur. Ah, ça doit être génial. C'est TLM. C'est ça, c'est exactement ça. Super. Ok. Ça, c'est pour l'animalier. Est-ce que toi, tu le fais, ça? Tu préfères peut-être être caché qu'aller à la rencontre? J'aime bien les deux, c'est presque un complément. Je sais que sur certaines périodes, comme le brame, je vais maintenant privilégier plus qu'affût. Oui. Mais sur d'autres périodes, quand il y a des animaux qui sont peut-être un peu moins peureux ou qu'on sait qu'on peut les approcher sans trop déranger, moi j'aime bien faire ça. Ouais, oui. L'approche. Lesquels par exemple? Eh ben, quand il y a par exemple des jeunes renardeaux, tout ça, qui découvrent un peu l'environnement, ouais. Ouais, je fais un peu d'approche. Ouais, c'est chouette. Et pour les autres photos, alors paysages, est-ce qu'il y a des techniques particulières? Il y a différentes techniques photographiques, mais moi c'est surtout je vais regarder la météo, me dire tiens, là où la mer de nuages va être là, il faut que je monte, et puis après c'est vraiment de l'instinct de me dire des fois il faut que je parte à l'endroit là, et puis j'y vais, et puis j'ai l'ambiance que je veux. Combien de photos tu prends pour en avoir une dont tu es satisfait? Alors ça dépend, on va dire que le photographe est toujours un éternel insatisfait, mais ça peut aller sur certaines espèces, ça peut être des fois la première photo qu'on va faire est superbe, c'est le hasard, et sinon des fois on peut en faire 100, 150 photos, ou 100, peut-être bien 10, 15 sorties avant d'avoir vraiment la photo, on va dire, mais parfaite. Wow. Est-ce que c'est plus long de regarder toutes les photos que tu as déjà faites que de les faire? Non, c'est plus long de les faire. Ah bon, ok, ça va. Une qualité, enfin, ou plusieurs qualités pour être photographe, ça serait lesquelles à ton avis? La première qualité, ça va être de l'écoute. De l'écoute du milieu, hein, vraiment moi quand je me promène, ça va être d'écouter tous les bruits, hein, reconnaître les animaux, puis vraiment ne pas faire de bruit. La deuxième, ça va être surtout le respect. Il ne faut pas oublier que la nature ne nous appartient pas, donc c'est de la respecter quand on y va, de faire le moins de dérangements possible. Ça, c'est vraiment les deux grosses qualités du photographe animalier. et puis même de paysage, hein. C'est une grosse qualité, voilà, d'écoute et respect. Est-ce que tu as déjà été dans des lieux un peu symboliques, tu sais, des temples ou des endroits naturels où il se dégage des choses particulières? Je suis pas forcément fan des lieux, voilà, on va dire d'énergie ou ouais, tout ça. Moi, j'aime bien, je me trouve mes petits lieux à moi, voilà, mes petits jardins secrets, on va dire, voilà, okay, où je me sens bien, voilà. D'accord, pas besoin d'aller sur un lieu en particulier. Non, parce genre que les cuveaux, tout ça, t'as déjà non, j'aime pas trop. Il y a trop de monde. Moi, j'aime bien être tout seul. Oui. Disons que je fuis le monde quand je fais de la photo. Ah bah t'as bien raison. Est-ce qu'il y a un photographe qui t'inspire? Ah bah il y en a plusieurs. Il y a notamment un photographe vosgien, bon, qui est ultra connu, hein. Je pense qu'il y a une grande inspiration pour beaucoup, c'est Vincent Millier. Hein. Eh oui, bien sûr. Et il y a un autre photographe qui s'appelle Joël Brunet, qui habite dans l'Ain et qui est vraiment un photographe que j'apprécie parce qu'il a une approche vraiment presque artistique de la photo. Et je vais essayer de faire un stage photo avec lui dans les années à venir. Génial. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Vincent Millier non plus. J'ai vu sa compagne, mais je n'ai jamais rencontré Vincent. Est-ce que tu as déjà été au sentier de la photo? Bien sûr. Ah, ouais. Ça a dû t'inspirer, ça. Ouais, c'est des belles photos. Et puis bon, je les connais beaucoup, les artistes via les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est sympa de voir ça en plein air. Oui. Tu penses qu'un jour, tu participeras? Bah, on verra. Qui sait? Pourquoi pas? Eh ben, pourquoi pas, comme tu dis. On se lance dans mes prochains sons chouchous, avec encore un son que tu as décidé de passer aujourd'hui, d'Alain Bashung, forcément. Un artiste que l'on adore beaucoup ici, et pour plusieurs raisons. Tu as choisi le titre Immortel, pourquoi? Eh ben, Immortel, c'est presque une hymne à la nature, puisque on dit la nature, voilà, dépérit, mais il y aura toujours de la nature. Même s'il y a les attaques de l'homme, ça se réduit, il y aura toujours la nature. Et dans le sens immortel, c'est que ça va se poursuivre. Et il y aura, pour moi, même un arbre, ça sera toujours la nature. Donc ça sera, on va dire, immortel, parce que ça va se transmettre. Mais oui, c'est vrai ça. Et j'en profite pour faire un gros bisou à Marcus de la Houque, à qui je pense forcément quand j'écoute cette chanson. On s'en suivra avec Deluxe pour Get Down. J'en aurais presque fait mon générique tellement j'adore cette vibes que dégage ce son. On passe ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné se cacher sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers. Savais-tu qu'il durerait quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait? Mortel, mortel, nous sommes immortels. So même si tu immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. c'est Get Down. Tu connais ça un petit peu, ça ? Je connaissais, ouais. Oh, c'est incroyable, incroyable. Ça met une pêche d'enfer. C'est clair, ça motive. C'est ça, c'est ça. Tu dois écouter ça avant d'aller en shooting ? Non, peut-être pas. Ouais, ça peut. Hein. Tout est possible. Ça dépend ce qu'on veut faire. C'est ça. Voilà, l'ambiance dans laquelle on veut se mettre. Alors, on a parlé un petit peu des photos que tu faisais. On a un petit peu oublié les photos urbaines. C'est peut-être un peu moins ton créneau, mais t'en fais quand même. C'est un peu moins mon créneau, mais j'en ai fait, notamment quand j'étais sur Nancy en études. D'accord. J'en ai fait un peu. C'est un autre domaine, mais je me dis qu'en photo, faut pas se couper de porte. Ouais. Donc, ça permet de tester un autre univers qui est aussi sympa et intéressant. Voilà, pourquoi pas. C'est ça, ouais. Puis c'est des fois des ambiances sympas. Ça fait des trucs un peu atypiques. Il y a des choses insolites en plus hein, dans les lieux, un petit peu. Il y a beaucoup de photos d'urbex. Hein, c'est devenu un petit peu une mode, c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense que voilà, c'est sympa aussi, même si on préfère tous la nature, bien entendu. On peut parler un peu du tirage. Tu me disais en off que toi, tu fais du tirage sur aluminium. C'est ça, tout à fait. La photo animalière me permet de vendre des tirages hein, que je fais, même de paysages sur de l'aluminium. Donc, c'est quelque chose qui permet d'être exposé à la fois en intérieur et en extérieur et qu'on retrouve notamment... On parlait du sentier de la photo, en général c'est des tirages en aluminium, mais c'est vrai que ça a une qualité qui est vraiment exceptionnelle. Eh ben, je saurai pour les prochaines émissions, merci pour cette astuce. Du coup, tu vends les photos que tu prends de paysages ou d'animaux ? Tout à fait, ouais, je vends ça sous forme de tirage d'art, donc c'est limité à 30 tirages par photo, donc peu importe le format. D'accord, ok, on retrouve tout ça sur ton site internet, tout j'imagine. À fait. Voilà. Tu me parlais d'une qualité, ou en tout cas de quelque chose qu'il faut beaucoup écouter dans cette profession qu'est la tienne, si je puis m'exprimer ainsi. On parle de l'instinct, là. Ouais, tout à fait. L'instinct du photographe qui est presque primordial. À titre d'exemple, des fois ça m'arrive, j'ai pas envie de faire une sortie et puis ça me dit il faut que j'aille à tel endroit et je vais à tel endroit et j'ai la rencontre voilà, qui vaut le coup. Quoi, incroyable. Ouais. Tu vas photographier quoi aujourd'hui ? Eh ben aujourd'hui, pas grand chose parce qu'il n'y a pas trop de lumière. C'est ça. C'est plus difficile par des temps comme ça de prendre des photos ? Ouais, c'est plus dur parce que la lumière actuellement est pas trop importante et ça fait pas des belles couleurs on va dire sur les photos. C'est vrai, c'est un petit peu... C'est gris, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. J'ai cru voir que tu avais fait un court-métrage. J'en ai fait un, ouais, effectivement, que j'ai sorti à Noël de l'an passé, sur les 4 saisons vosgiennes. Ça s'est passé comment, cette histoire ? Eh ben, un drone ? J'avais un ami qui avait un drone pour faire quelques plans. Et après, c'était vraiment un peu les 4 saisons, vraiment redonner un peu l'ambiance qu'on trouve dans les forêts vosgiennes. Et c'est vrai que c'était sympa, c'était une bonne première expérience, mais qui va se poursuivre. Ah, c'est vrai, tu vas continuer ? Ouais, j'ai un projet de faire un deuxième court-métrage sur à peu près 5-6 ans, qui va s'appeler Chronique d'un affût. Ouah, génial ! Ouais. Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Tu gardes la surprise ? Non, il n'y a pas de surprise. On va y retrouver différents affûts que je vais pouvoir faire, mettre en avant le cerf dans les Vosges, dans les Alpes, tout ce qui va être les bouquetins, toute la faune des Alpes, et puis un peu aller en Italie, dans les Abruzzes, à la recherche du loup. Ah ouais, génial ! Il faudra que tu reviennes. Bah ouais. C'est quoi tes grands projets, à part celui-là d'ailleurs ? Eh ben, le grand projet, ça va être celui-là. Il y a un deuxième projet d'exposition photo qui devrait se faire en extérieur, mais j'en saurai un petit peu plus. Et il y a une autre exposition photo qui va se faire normalement à la Chapelle des Arts, à la Suche. Ah, génial. Normalement pour le mois de mai 2022. On croise les doigts, quoi. Ouais. Avec cette situation incroyable dans laquelle nous nous trouvons, et dont on ne va pas reparler car on l'entend bien assez. Ouais. J'y pense d'ailleurs, il y a souvent, tous les ans, un concours photo à Remiremont. Bien sûr. Tu as déjà participé ? Je n'y ai pas participé, mais j'en fais quelques-uns des concours. Après, il faut voir l'intérêt que ça peut apporter. Mais c'est vrai que dans des villes comme Remiremont, c'est assez intéressant. Donc, il faudra que je me renseigne. Ouais, c'est super. Tu en as déjà fait d'autres alors ? J'en ai déjà fait d'autres, que ce soit dans le cadre scolaire. Et puis, j'ai candidaté à d'autres concours avec plus ou moins de succès, on va dire. Ah, on va pour un commencement à tout. C'est comme ça. Du coup, tu pensais faire des stages aussi auprès de photographes que tu aimes beaucoup ? Tout à fait, ouais. Je pense faire un stage ou deux pour un peu découvrir aussi des fois une autre approche. Je pense que c'est formateur aussi. Je suis à un moment où je connais bien les animaux, mais la technique, des fois, il y a des choses où je pense que je peux améliorer. Donc voilà. Ah, c'est bien. Et de toute façon, je pense que la vie est un perpétuel apprentissage. Hein, on est là pour ça, pour apprendre. On est d'accord. Voilà. Donc pourquoi pas. On peut te retrouver sur les réseaux. On peut me retrouver sur les réseaux, principalement sur Instagram, sur Aurélien Villemain Photo. Oui. Et j'ai aussi une page Facebook, Aurélien Villemain Photographe. Eh ben voilà. D'ailleurs, que j'ai partagé en annonçant cette émission d'aujourd'hui et puis ton site internet que tu nous as transmis tout à l'heure, www.aurelienvillemainphotographe.com. C'est génial. Tu vas revenir pour faire des chroniques, hein, c'est certain. Hein. D'ailleurs, en petit aparté, tu m'as dit quand même que tu avais participé à des concours d'éloquence. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu nous en parles quelques minutes. Eh ben, pour en parler, c'est vrai que c'est une aide aussi. J'en ai fait dans le cadre scolaire où j'ai fini à troisième les deux fois que j'ai fait. Incroyable. Et ça permet aussi de maîtriser un peu la prise de parole en public, ce qui est important aussi parce qu'il y a le côté quand on fait de la photo, pour vendre aussi un peu ce qu'on fait, il faut avoir une bonne élocution. Donc c'est important. C'est super. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 2 ans parce que j'ai fini mes études. D'accord. Eh ben, il faut que je fasse ça. Parce que des fois, j'ai des problèmes de bafouillage. C'est une bonne expérience. C'est génial. Tu es soutenu aussi par la région Grand Est. On n'en a pas encore parlé, mais voilà, tu as été aidé par la région pour... Eh ben, j'ai été aidé dans le cadre de la bourse expérience de jeunesse, voilà, pour financer un peu de matériel, parce que c'est vrai que le matériel photo est très coûteux. Donc, je remercie la région de me soutenir. On commence par quoi? Par de l'occasion, et puis finalement, on achète du neuf? Ça dépend. Moi, j'ai acheté du bon matériel vraiment dès le début, presque, et puis maintenant, j'achète un peu d'occasion sur certains objectifs. Oui. Parce que ça vaut le coup et puis ça permet aussi de diminuer un peu l'impact écologique. C'est vrai, il faut y penser ça. Tu as beaucoup de matériel d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais... Ouais, énormément. Que ce soit pour faire de la photo animalière, c'est les tenues, les objectifs, les tentes d'affût. Donc les tentes d'affût, c'est une petite tente sur laquelle on va faire un affût avec des différentes fenêtres pour faire des photos. Les bottes, les cuissardes pour aller dans l'eau. En fonction des milieux, il faut plein de matériel. Les pieds? Trépied. Les trépieds, ouais, les trépieds pro, les monopodes, donc c'est un petit trépied aussi pour tenir l'appareil. Des fois, on voit, ils mettent des espèces de petits, comment on appelle ça, tu sais, ils accrochent des panneaux pour refléter la lumière, c'est ça? Ouais, ça c'est pour, studio. C'est pour des shootings studio, oui. Principalement. Ouais. On ne se sert pas de ça à l'extérieur. Non, on ne sert pas de ça en extérieur. On prend la lumière qui existe. On prend la lumière naturelle. Qui est un... Bien sûr. Voilà. Si tu avais un conseil à donner, ou plusieurs d'ailleurs, à un jeune ou pas, qui a envie de se lancer dans la photo. Le conseil, c'est déjà de ne pas penser tout de suite à faire une belle photo, parce que c'est surtout de regarder autour de soi, même dans le rayon de 500 mètres, 1 km autour de chez soi, c'est d'aller se promener, si on a la chance d'avoir la nature tout près, d'écouter, de découvrir, et petit à petit, la photo vient derrière, on va dire en complément. C'est vraiment de l'observation et de l'écoute. Waouh, c'est beau. C'est poétique. Ah, c'est très poétique. Cette émission sera rediffusée jeudi à midi, même heure, même endroit. Elle sera podcastée dès demain sur notre page et nos profils Facebook. Merci beaucoup Aurélien pour cette émission. Eh ben, merci à toi et puis au plaisir de se revoir. C'était un très bon moment, j'espère que tu as apprécié. J'ai apprécié. Eh ben, c'est super, on se retrouve très bientôt. En tout cas, on reste en contact et je vais être attentive à ce que tu proposeras dans ces prochaines années, parce que j'imagine que l'évolution sera là, donc forcément il y aura des changements et je veux voir ça. Eh ben, pas de souci, les changements seront là. Le changement, c'est... On le dira pas. Oh, on peut le dire, c'est maintenant. Auditeur, je te laisse avec la suite des programmes d'aujourd'hui, et puis profite bien de cette fin d'année qui arrive et des fêtes qui vont j'espère égayer ton quotidien. En tout cas, prends bien soin de toi, prends soin des autres. Allez, kiss. Yeah.